pas oublié quand j'ai commencé à rapper avec les autres de ce fameux atelier. RIP, voilà où j'étais. RAP, voilà ce que je fais. Un rappeur qui nous a aidé venait de Toulouse jusqu'à Garges les Gonesse. Du 3-3 jusqu'au 9-5-5. Prends 5 vers plus 5 verres et tu trouveras son place. Plaisante, tu crois qu'on plaisante dans le récit qu'on présente. Je représente l'intense brailleur. Moi je m'en bats de la France d'en bas, je représente la France d'ailleurs. Ici on taille sans suicide à la Dalida. Car d'après eux dans les quartiers y'a que des caïds et des Al-Qaïda. Maracaïda, bord, puis les trip hip hop à tribord. Et je combat Babylone à bas bord. Aux abords c'est le bordel. Quand la horde sème le désordre et met la police hors d'elle. C'est un rap mortel, hip hop blues. C'est ma cassette qu'on rembobine car elle met de l'hémoglobine sur la blouse. Entre le beat tu mets la brousse, faut que je prouve. Comme à la russe roulette, j'ai que mes boules. Tu orphelin, je t'offrirai des sensations. Des jerrycans d'adrénaline pour assouvir tes tentations. Tes parents vont me maudire. Alors sans une excuse pour moi, tu vas les faire souffrir. Je serai la cause de vos disputes, moi. Qui t'accueille à bras ouverts si tu prends la porte. Viens, je t'offrirai de l'argent à te faire. Et plein de potes qui seront tes compagnons, tes frères. Car mes fils aveuglés, c'est à cœur joie que vous sombrerez dans mes vies. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaillent entre mes vices. La fin violente du parcours de Malcolm X. Les faits de l'héroïne sur certains. Les animaux servent de cobayes aux terriens. On meurt comme quoi les sida viendraient d'Afrique. Les preuves comme quoi ils ont dévalisé l'Afrique. Et le trafic d'influence en France. Maurice Papon aurait trahi la résistance. Les abusifs sont à ce jour les charges sociales. Inégale répartition des richesses mondiales. Hardcore comme reconnaître ses torts. Les jeunes sont passionnés de films. Hardcore sera le journal télévisé de ce soir. Hardcore. Et les gens ont peine à croire au mot espoir. Hardcore. Lorsqu'une fillette de 8 ans disparaît. Hardcore. Et qu'on la retrouve violée, sodomisée. Hardcore. Et le viol dont on mange. Papy, combien de nous les juges ont mis à la manche. Combien de mandats tu m'enverras quand je serai replié. Combien de lettres tu m'écriras au 9 avenue des Peupliers. Mon peuple plie, souvent il te fournit ton crack. Mais je te rejette pas la faute, je suis seul responsable de mes actes. Mais que dire de nos petits frères, que dire à nos enfants lorsqu'ils te voient proposer tes billets d'euros plus au franc. Élevé dans la sale France, là où l'or est rare. Voir passer les clients, on veut vite devenir un vénard. Ignores-tu que dans la rue la crise écrase. Ne me demande plus jamais si j'en ai quand tu me croises. Les tiens, les miens, et rien qu'une différence. J'en ai quand tu me croises. La rue la crise écrase. Ne me demande plus jamais si j'en ai quand tu me croises. Les tiens.